L'Égypte des pharaons. Bien avant la construction des premiers édifices pharaoniques au bord du Nil, emblème de la deuxième grande civilisation, le fleuve fournissait leur nourriture à des petits groupes de chasseurs-collecteurs. Le poisson et les oiseaux abondaient. Les antilopes fréquentaient les endroits où le fleuve est peu profond, et l'orge sauvage poussait dans l'épaisse couche de limon déposée lors de l'inondation annuelle. Les peuples nilotiques préhistoriques exploitaient ces ressources avec un outillage de lames et de pointes de flèches en pierre. Lorsque le fleuve en crue menaçait d'inonder leur campement, ils gagnaient le désert tout proche en attendant que les eaux se retirent. Ainsi mena-t-on une existence de simple subsistance sur les bords du Nil jusque vers 5200 avant Jésus-Christ. Les habitants de la Mésopotamie travaillaient alors la terre depuis plus de 2000 ans. Lentement, cependant, au cours des siècles suivants, un flot de nouveaux colons possédant déjà les rudiments de l'agriculture allait transformer la physionomie de la vallée du Nil. Certains, venus du croissant fertile, cette zone de terre arable qui s'étend de la Mésopotamie à la Palestine, apportaient avec eux du bétail et des variétés locales de blé et d'orge. Peu à peu, les migrations devaient favoriser l'entrée en Égypte de pratiques déjà développées en Mésopotamie, notamment l'emploi de véhicules à roues et de certains éléments de l'écriture sumérienne. C'est pourtant l'utilisation de l'irrigation qui constituait le lien le plus notable entre ces deux cultures. Peu après que les Sumériens eurent appris à lever des digues et à creuser des chenaux, les populations nilotiques commencèrent à détourner les eaux du fleuve en crue. Comme en Mésopotamie, cet effort eut deux résultats essentiels pour l'évolution de la civilisation. Il produisit des surplus agricoles et favorisa la discipline collective. L'inondation annuelle qui fécondait les terres égyptiennes avait son origine en Afrique équatoriale où le Nil, fleuve long de 6671 km, prend sa source. Dès la fin du printemps, les vents de la mousson, venant de l'océan Indien, déversent des pluies torrentielles sur l'Est africain, alimentant un affluent appelé le Nil bleu. Gonflé d'eau, celle-ci court vers le nord à travers des gorges de montagnes, des étendues de marécages et des jungles croupissantes pour se jeter dans le Nil blanc, près du site de l'actuel Khartoum. Au-delà du confluent, six cataractes redoutables jalonnent son cours. La première cataracte, la plus septentrionale, marque la limite géographique de l'Égypte. Peu après le solstice d'été, la montée des eaux commence à affecter la vallée du Nil, une brèche longue de 800 km qui fond le Sahara, depuis la première cataracte jusqu'au marécage du delta tout au nord. Heureusement pour les habitants de ce couloir fertile, appelé la Haute Égypte, des espèces de tertres naturels, formées au cours des siècles par les alluvions les plus lourdes, dominent le lit du Nil. Les villageois attendaient la fin des déluges dans leurs maisons de boue perchées au sommet de ces dos de tortue. De temps à autre, ils s'aventuraient sur le fleuve à bord de robustes radeaux de papyrus afin de pêcher dans l'eau bourbeuse ou de se livrer à quelque échange avec les villages voisins. Lorsque la crue baissait, l'eau restait captive dans les dépressions naturelles à proximité des dos de tortue. Les cultivateurs travaillaient alors tous ensemble à semer le grain et arroser les plants avec l'eau de ces réservoirs qu'ils portaient dans des seaux ou faisaient couler par des rigoles jusqu'au lopin proche. Le désir d'étendre ces travaux d'irrigation vers l'amont et vers l'aval favorisait la création de liens entre les collectivités vivant le long du fleuve. Des agglomérations rurales se groupèrent en provinces ou nomes, gouvernées par des chefs appelés nomarques. Ayant peu de barrières géographiques ou culturelles à surmonter, les nomes de la Haute Égypte fusionnèrent bientôt. Cette évolution débuta vers 3500 avant Jésus-Christ, et au bout de un ou deux siècles, la région se trouva dotée d'un souverain unique. Les conditions n'étaient pas les mêmes dans les marais du delta tout au nord. La plupart des établissements de cette région, perchés sur des tertres sablonneux émergeant des marécages, se trouvaient isolés toute l'année. Jusqu'à l'assèchement par les pharaons de vastes zones marécageuses, il y avait plus de périls que de profits à attendre des terres de ce qu'on appelle la Basse Égypte. Les bergers qui gardaient le bétail dans des pâturages fangeux devaient se garder des crocodiles à l'affût des veaux égarés, tandis que les chasseurs armés de lances qui poursuivaient l'hippopotame le long des bras sinueux du fleuve s'exposaient à être broyés dans les énormes mâchoires du monstre. Assurément, ce mode de vie favorisait le courage et l'ingéniosité, mais n'aiguisait guère le sens politique. L'initiative qui mena à l'unification de la Haute et de la Basse Égypte vint tout naturellement des collectivités plus solidaires de la vallée du Nil plutôt que de celle du Delta. Nous ne savons pas à qui attribuer la responsabilité de cette union. La légende égyptienne parle d'un roi-dieu appelé Ménès, personnage qui cumulait peut-être les hauts faits d'une série de suzerains ambitieux au pouvoir entre 3200 et 3000 avant Jésus-Christ, y compris ces rois obscurs appelés Narmer et Anna sur des bas-reliefs anciens. Quoi qu'il en soit, Ménès entra dans l'histoire comme le chef de la Haute Égypte qui, par ses victoires militaires et ses intrigues politiques, étendit sa domination à la Basse Égypte. Il bâtit sa capitale, Memphis au mur blanc, sur des terres asséchées près du point stratégique où le Nil se ramifie en delta, afin, dit-on, de commémorer ce triomphe. Le nouvel État allait s'épanouir dans un certain isolement. Bordé de déserts à l'est et à l'ouest, limité par les cataractes au sud et par une vaste mer au nord, l'Égypte devait connaître peu d'agressions au cours des siècles suivants. Et si les négociants voyageaient, s'il arrivait aux soldats de franchir quelquefois les frontières, le pays n'avait guère besoin de conquêtes. Le tribut du fleuve lui suffisait. Contrairement à l'Euphrate, ce fleuve erratique de Mésopotamie, le Nil avait des crues et des décrues d'une régularité qui favorisait l'organisation de l'agriculture et les projets de construction. Pendant que les mouvements du fleuve scandaient imperturbablement les années et les siècles, la civilisation égyptienne allait engendrer une écriture caractérisée par des symboles naturalistes et gracieux, une armée de dieux redoutables et un gouvernement théocratique ainsi qu'une pléiade d'artistes, d'architectes et d'ingénieurs, auteurs de monuments impressionnants. Avec l'unification politique de l'Égypte au début du troisième millénaire, naquit la première dynastie de pharaons. Il allait y en avoir 29 en tout. Les changements de lignée étant dus au manque d'héritiers ou à des bouleversements politiques, jusqu'à la conquête de l'Égypte par les Grecs sous Alexandre. Le mot pharaon signifie tout simplement « grande maison » et l'une des missions des premiers pharaons fut d'asseoir leur suprématie spirituelle sur toutes les autres maisons influentes du pays. Depuis des temps reculés, les souverains locaux de l'Égypte s'étaient attribués des pouvoirs surnaturels. Chaque village important possédait sa divinité locale et le noble qui dominait une région élisait domicile près du temple de ce dieu afin de se placer sous sa protection. Le dieu était souvent représenté sous la forme d'un animal, ce qui reflète bien le respect mêlé de crainte qu'inspirait la faune. Ainsi, l'autorité du souverain de Nakada, en Haute-Égypte, lui venait du dieu Seth, présenté comme une bête féroce au museau allongé, tandis que le chef du village voisin de Neken devait sa force et sa ruse à Horus, le dieu faucon. Petit à petit, les mythes liés à ces divinités locales formèrent un tout, une légende passionnante relatant une âpre lutte pour le pouvoir et célébrant l'ascension d'un souverain unique, roi-dieu de toute l'Égypte. Selon une version bien connue de cette légende, Horus était le fils d'Osiris, dieu de la nature, dont le pouvoir se manifestait par la crue et la décrue du Nil. Autrefois souverain d'Égypte et secondé par son épouse et sœur Isis, Osiris tomba sous la main meurtrière de son frère Seth, jaloux, qui le dépeça et dispersa ses membres à travers le pays. La fidèle Isis ramassa les morceaux afin de reconstituer le corps de son frère. Celui-ci ressuscita, puis quitta son trône terrestre pour régner sur la vie éternelle. La lutte pour le pouvoir oppose alors Horus à son oncle Seth. Ils finirent par se livrer un combat singulier. Horus perdit un œil, mais réussit à châtrer Seth. Geb, dieu de la terre, le proclama leur vainqueur et roi d'Égypte. Le message politique de cette légende est clair. L'Égypte allait avoir un seul souverain, celui-ci étant l'incarnation du plus grand des dieux égyptiens. Chaque pharaon était Horus, fait homme. À sa mort, il s'unissait à Osiris et régnait sans partage sur l'au-delà, tandis que son héritier prenait sa succession sur terre en tant que nouvelle incarnation du grand dieu Faucon. Ce récit d'un combat primordial, suivi d'un retour à l'ordre, fournissait un fondement sacré au pouvoir du pharaon, tout en alimentant l'obsession royale de la mort et des rites funéraires. À la reconstitution d'Osiris démembrée correspondait un impératif essentiel. Pour que le roi-dieu atteigne l'immortalité, son corps devait être conservé intact. La croyance que la conservation du corps était essentielle à la vie éternelle était partagée par tous. Les villageois enterraient leurs morts dans du sable, afin de conserver leurs dépouilles, entourées d'aliments destinés à les sustenter au cours du voyage vers l'au-delà. Mais il était particulièrement important de nourrir le corps du pharaon défunt, puisque roi-dieu, il jouait un rôle capital dans l'ordre cosmique. Afin d'assurer la protection éternelle de leurs dépouilles mortelles, les pharaons de la première dynastie bâtirent de robustes tombeaux à Abydos, une bourgade de Haute-Égypte qui devait devenir le centre du culte d'Osiris. Abydos était situé à près de 500 km au sud du palais de Memphis, distance aisément franchissable sur la grande route du fleuve. D'assez grands bateaux de roseaux à la proue relevée et aux voiles de lin carré voguaient déjà sur le Nil aux côtés des radeaux des paysans et des colporteurs. Le corps du pharaon pouvait être transporté jusqu'à sa sépulture sur un de ses vaisseaux, poussé par le vent du nord. Ainsi, les milliers d'Égyptiens qui travaillaient le long du fleuve étaient-ils en mesure de rendre un dernier hommage au souverain défunt? Le tombeau qui attendait le pharaon à Abydos était une bâtisse imposante appelée Mastaba. Conçue pour l'éternité, elle était construite de briques de boue séchées au soleil, son toit plat reposant sur des murs inclinés. L'intérieur était divisé en compartiments remplis d'offrandes diverses, nourriture, meubles, outils et armes, destinés à donner des forces au roi défunt de l'autre monde. Sous le bâtiment se trouvait un puits menant à une chambre souterraine, en principe inviolable, creusée dans le rocher et parée de briques. C'est là que reposait la dépouille du pharaon. Les mastabas étaient entourés de fosses d'inhumation réservées aux fidèles du roi, ses concubines, les nains de la cour et même des chiens. Tous partaient avec le roi dans l'autre monde. De fait, il semble qu'environ 500 membres de la suite du roi Djer, au pouvoir vers l'an 2900, furent exécutés afin de le servir éternellement. Mais les Égyptiens, n'étant pas un peuple sanguinaire, ils mirent fin à ces hécatombes et seuls des personnages importants et certains de ses parents furent enterrés auprès du pharaon. L'époque des mastabas favorisa le développement d'un nouvel artisanat de cour, celui de l'embaumement. Entourés de murs de briques et isolés donc du sable desséchant, les cadavres se décomposaient rapidement. La première solution apportée à ce problème fut d'ordre cosmétique. Emmailloté de bandelettes de lin saturées de résine, le corps gardait sa forme alors que la chair fondait. Ce procédé simple produisit quelques résultats spectaculaires. Les vestiges d'un bras entouré de bandelettes, celui, croit-on, du roi Djer, furent découverts au cours du pillage de Mastaba d'Abydos, près de 5000 ans après l'inhumation du pharaon. Mais les embaumeurs ne se contentèrent pas longtemps d'une préservation superficielle. Dès le début de la quatrième dynastie, vers 2600 avant Jésus-Christ, ils pratiquèrent la momification. Une incision faite dans l'abdomen du pharaon décédé permettait d'en retirer les viscères qui étaient placés dans un vase ou canope, lequel était rempli d'une solution saline appelée natron. La cavité était alors séchée et bourrée de toile de lin saturée de résine. On s'occupait ensuite de l'extérieur du corps, les préparatifs pouvant comprendre le maquillage du visage à la peinture verte et l'étalage de bijoux de robes élégantes sur le corps emmailloté. Peu de temps après l'inhumation du roi Djer et de sa cohorte de serviteurs, la nécropole royale fut transférée d'Abydos à Saqqara, située bien plus près de Memphis. On construisit alors des mastabas de plus en plus imposants, atteignant une hauteur de plus de 5 mètres et renfermant jusqu'à 70 chambres. Quelques-uns contenaient une pièce depuis laquelle l'esprit du défunt, représenté par une statue, pouvait contempler par une fente les provisions apportées par les prêtres dans une chambre attenante. Bien que superstitieux, les prêtres n'en avaient pas moins les pieds sur terre. Ils consommaient souvent les offrandes de nourriture ou de boissons plutôt que de les laisser se gâter. Au sous-sol, la chambre du sarcophage était précédée, au même niveau, par un large couloir qu'on remplissait de gravats après l'inhumation, afin de décourager les pilleurs de tombes qui sévissaient déjà à l'époque. Les nécropoles royales connurent une transformation radicale vers 2650, sous le règne du roi Djoser de la troisième dynastie. Le pharaon détenait alors un pouvoir absolu sur tous les Égyptiens, du plus orgueilleux des nomarques au dernier esclave. Djoser ordonna la construction à Saqqara du premier grand bâtiment en pierre du monde, une demeure éternelle, qui se dresserait vers le ciel comme pour proclamer la majesté du roi. Alors que le bois était rare en Égypte, la pierre ne manquait pas. La région d'Assouan, à plus de 700 km au sud de Saqqara, près de la première cataracte, fournissait du granit, du basalte et du quartz, tandis qu'on extrayait une pierre calcaire fine et blanche des collines de Toura, en face de Saqqara, sur la rivière est du Nil. La main-d'œuvre était fournie par une masse de paysans embrigadés qui apprirent rapidement à extraire la pierre des carrières et à transporter les énormes blocs par voie de terre sur des rouleaux ou des traîneaux, ou bien le long du Nil sur des chalands. Djoser fit également appel à un homme au talent multiple, Imhotep, pour la construction de sa sépulture. Outre son rôle de grand prêtre d'un culte solaire à l'importance grandissante, dont le centre était situé à Héliopolis, Imhotep était le vizir ou conseiller principal du pharaon, en même temps qu'un sculpteur accompli. Mais c'est en tant qu'architecte de Djoser qu'il accomplit sa plus grande œuvre. Le tombeau qu'Imhotep destina à Djoser constituait une exaltation de la forme du mastaba. Par l'assemblage de milliers de blocs de calcaire, l'architecte construisit 6 mastabas en gradins posés les uns sur les autres. Il en résulta une tour semblable à une ziggourate, la pyramide à degrés, dont l'appellation indique la fonction spirituelle. Un texte sacré exprime celle-ci, un escalier à lui, le roi, offert afin qu'il puisse monter au ciel. Dominant l'horizon de Saqqara de ses 62 mètres, ce monument mesurait 125 mètres sur 105 à la base. Un puits central s'enfonçait dans le sol de la pyramide jusqu'à la chambre en granit où reposait le roi, celle-ci étant entourée de couloirs remplis de plus de 40 000 jarres de pierre contenant des offrandes funéraires. De nombreux bâtiments, temples et cours funéraires entouraient la pyramide de Djoser. Un dé érigé dans l'une des cours devait permettre à l'esprit du roi défunt de participer à une sorte de fête commémorative appelée Sed, répétition ritualisée du couronnement royal. Un épais mur de pierre, haut de 10 mètres et long d'environ 1,5 km, entourait l'ensemble. Le mur comportait 13 portails factices et une seule vraie porte, tous identiques, peut-être pour décourager les visiteurs importuns. En l'espace de 50 ans, la conception des pyramides se transforma. Cette évolution semble s'être produite au cours du règne d'un seul pharaon, Snéfrou, premier souverain de la 4e dynastie. Une pyramide à 8 degrés mit le jour à Meidoum, au sud de Memphis, sous le règne de Snéfrou ou celui de son prédécesseur immédiat. À la demande du premier nommé, les degrés furent ensuite recouverts de gravats et le bâtiment entier revêtu de pierres de Toura afin qu'il prenne l'aspect d'une véritable pyramide au mur en pente continue. Assez significativement, cette évolution architecturale coïncida avec la montée du culte de Ré, dieu solaire devenu la principale divinité du pays. La puissance ardente du soleil se fait sentir toute l'année en Égypte. Il sèche la terre après la crue annuelle, inaugurant ainsi la saison culturelle. Les pharaons désiraient vivement s'identifier à cette puissance mystérieuse. Ainsi conçurent-ils la pyramide comme une échappée de soleil transmuée en pierre, ses parois devant reproduire l'inclinaison des rayons du soleil dardant vers la terre entre les nuages. « Que le ciel renforce les rayons du soleil pour toi, » dit une inscription adressée au pharaon. « Monte ainsi, œil de Ré, au ciel. » En l'honneur de Ré, les temples adjacents aux pyramides s'ouvraient à l'est face au levant. Les ouvrages inspirés par ces conceptions témoignent des prétentions du pharaon à la divinité et en même temps de l'autorité extraordinaire qu'il exerçait. La forme pyramidale reflétait le principe organisateur de toute la société égyptienne. Au sommet, le pharaon, près de lui, une élite de dignitaires, de prêtres et de scribes soutenus dans leurs entreprises élevées par une base constituée des masses paysannes laborieuses. Le pharaon était littéralement le seigneur du pays. Si les prêtres ou les fonctionnaires pouvaient être à la tête de domaines prospères, il tenait le droit à la terre et à ses fruits du seul roi, qui en était le maître, et exigeait une part des richesses produites. Les pouvoirs magiques que lui conférait sa divinité, ainsi que certaines pratiques plus prosaïques, telles que les autorisations de construction de digues ou de canaux, lui permettaient de contrôler le Nil. Il commandait à tous les Égyptiens, qu'ils soient paysans ou parents du roi. Tous pouvaient être réquisitionnés par le pharaon et contraints d'accomplir les tâches assignées par le roi Dieu. Il était l'unique dispensateur de la justice et en l'absence de tout corpus de lois codifiées ou coutumières, sa parole avait force de loi. Il distribuait les richesses et réglementait le commerce. Le pharaon était en somme le surintendant de toutes choses données par le ciel ou produites par la terre, comme le proclame une inscription sur la tombe d'un nomarque du nom d'Aménie. Pour des raisons pratiques, le roi devait déléguer à d'autres la plupart de ses tâches. Ainsi naquit une des bureaucraties les plus imposantes que l'on connaisse, fruit d'un des états les plus centralisés qui ait jamais existé. Tout en haut de l'administration se tenait le vizir, un dignitaire couvert de titres et qui devait remplir une trentaine de fonctions essentielles. Il dirigeait la maison royale, surveillait les travaux publics, commandait les campagnes militaires et faisait fonction de chef de la police nationale. Il passait commande à la foule des artisans de la cour, rendait la justice à la tête du tribunal suprême, supervisait les fermes et les greniers du roi, contrôlait la distribution de vivres aux nombreux travailleurs et fonctionnaires qui dépendaient du pharaon, et par-dessus tout, il percevait les impôts. Le chancelier occupait le rang immédiatement inférieur, suivi par les nomarques ou gouverneurs principaux. De temps à autre, ceux-ci s'allièrent entre eux afin de renverser le pharaon, mais dans l'ensemble, ils demeuraient fidèles au rôle des représentants locaux de l'équité royale. Toutes les œuvres du roi passaient par mes mains, se vantait un de ces nomarques. Jamais je n'ai fait de tort à la fille d'un pauvre air, ni opprimé aucune veuve. Aucun paysan n'a été châtié par moi, ni aucun berger chassé. On ne voyait aucun miséreux, aucun homme affamé durant mon règne. Tel était l'idéal de gouvernement. Mais en pratique, les responsables se souciaient plutôt de se faire servir et de lever des impôts. Le système de taxation était très complexe. D'après un décret officiel, les propriétés étaient imposées selon leur richesse en canaux, lacs, puits, cours d'eau et arbres. Le berger payait une taxe sur son bétail, l'artisan sur ses productions. Mais dans cette économie à prédominance agraire, ce sont les récoltes qui fournissaient l'essentiel des revenus. Le fisc classait les terres en trois catégories. Celles qui bénéficiaient régulièrement des crues du Nil, celles qui en profitaient parfois, et celles qui n'étaient jamais ou rarement inondées. Chaque année, on calculait les taxes selon le niveau atteint par la crue à divers endroits, à partir de l'île d'Éléphantine, près de la première cataracte. C'est là que, depuis la première dynastie, on mesurait la hauteur des eaux, d'abord par une série d'entailles dans les rochers bordant le Nil, ensuite par un hylomètre, escalier calibré qui descendait dans l'eau. Ainsi, une crue de 8 mètres signifiait un bon Nil. Ces mesures servaient à déterminer le taux annuel de taxation et la part des récoltes dues, ainsi que la quantité de semences que le magasin royal devait distribuer et de bétail que les troupeaux royaux devaient prêter pour le labourage. Lorsque les récoltes étaient rentrées, les percepteurs du vizir, accompagnés de policiers munis de bâtons, s'abattaient sur le pays comme une invasion de sauterelles. L'impôt de grains payé, les paysans ne connaissaient pas de répit pour autant. À la saison de l'inondation, qui débutait en juillet et culminait en septembre, ils étaient mobilisables dans l'armée des bâtisseurs de pyramides. Lorsque les eaux se retiraient, période appelée l'émergence, ils retournaient aux champs pour canaliser l'eau, labourer à l'aide de charrues en bois et semer orge, amidonier et lin. À la dernière des trois saisons, la sécheresse qui débutait en février, ils rentraient les récoltes, battaient le grain en le faisant fouler par des ânes ou des bœufs, et avec ce qu'il en restait après le passage des ailés percepteurs, ils faisaient eux-mêmes le pain et la bière qui constituaient leur ordinaire. Les produits prélevés annuellement sur les paysans servaient à entretenir le pharaon et sa famille, les maisons des fonctionnaires et celles d'autres personnes en faveur à la cour. Ces familles vivaient dans l'opulence. Leur demeure spacieuse à cour centrale était meublée de chaises élégantes aux sièges confortables en cordage de lin, de lits à repose-tête, de tables de jeu incrustées de faïence et d'ivoire. Le nombre personnel domestique comprenait boulangers, brasseurs, jardiniers, musiciens et servantes. Quelques-uns étaient des indigènes, d'autres des esclaves pris par les armées égyptiennes lors de campagnes dans des pays hostiles tels la Syrie ou la Nubie. Le contraste était saisissant entre ceux qui servaient à table, vêtus d'un pagne, et les invités en habits de lin blanc, portant des perruques noires aux nattes serrées et de larges colliers de perles aux couleurs vives, sertis dans l'or et l'argent. On festoyait bruyamment. Au son des harpes, les participants mangeaient du pain, des figues et des dattes empilées sur des plateaux. Le plat principal était généralement une oie gavée rôtie à la broche sur les braises. La bière et le vin, de fabrication domestique, coulaient à flot. tous les aspects de la vie sociale et économique étaient soigneusement enregistrés, qu'il s'agisse du fonctionnement quotidien des grandes maisons ou de la production agricole. Comme à Sumer, ceci impliquait une technique d'écriture. La culture mésopotamienne exerça certainement une influence sur l'écriture égyptienne tout autant que sur son agriculture. Mais les Égyptiens eurent au fait d'apposer leur empreinte conservatrice à l'écriture. Tandis que les Sumériens passèrent assez rapidement à des pictogrammes, à des caractères cunéiformes, qui formaient des syllabes ou des mots, les Égyptiens continuèrent à employer des signes d'un dessin charmant, représentant les bêtes, les objets, les lieux ou les gens, ou une de leurs parties. Certains symbolisaient des objets ou des idées, d'autres des sons. Bien qu'encombrants, ces élégants hiéroglyphes ne cessèrent de figurer sur les inscriptions qui ornent tous les monuments de l'Égypte dynastique. Pour l'usage quotidien, une écriture plus dense, plus cursive, appelée hiératique, allait cependant être adoptée bientôt. Elle allait faciliter de manière considérable la tâche des scribes. La popularisation de l'écriture égyptienne fut grandement favorisée par un autre don du Nil, le papyrus, ce grand roseau qui abondait sur les bords du fleuve et dans les marais du delta. Des lamelles aplaties du cœur du roseau étaient étalées en deux couches croisées à angle droit. Une fois mouillées, frappées jusqu'à devenir lisses, puis séchées, cette nattes ressemblait à du papier. Léger, facile à porter et à stocker, relativement robuste, le papyrus était d'un usage beaucoup plus commode que les tablettes en argile des Sumériens. Fabriqué uniquement en Égypte, il devait rester longtemps un de ses principaux produits d'exportation. Au début, l'écriture servait surtout à inscrire le nom des rois et à noter les événements marquants de leur règne. Mais l'extension de la bureaucratie multipliait le nombre des lettrés et leur conférait un rôle essentiel dans la conduite des affaires de l'État. « C'est vers les écrits que tu dois tourner ton esprit », dit un fonctionnaire à son fils. Afin d'obéir à cette injonction paternelle, l'enfant devait s'inscrire à une école de scribes. Il y travaillait du matin au soir, pendant une douzaine d'années ou plus, maniant la palette et l'encre noire de fumée, les pinceaux de roseau et la pierre à effacer, pour perfectionner sa connaissance des quelques 700 signes. Il répétait éternellement les mêmes formules tristement familières, peut-être un inventaire d'entrepôt ou les salutations exprimées dans une lettre. « Puisses-tu être prospère, puisses-tu être vivant, j'aspire à te voir encore en sûreté et à te tenir embrassé. » La discipline scolaire s'inspirait du dicton « Les garçons ont des oreilles dans le dos ». Le fouet claquait souvent. Le résultat valait bien la peine pourtant, car le métier de scribe ouvrait une des rares voies à l'avancement social dans la hiérarchie rigide de la société. Lors du règne d'Amenemès III, au XIXe siècle, avant J.C., un scribe du roi, portant le même nom que le pharaon, devint son vizir et reçut une chapelle funéraire en récompense de ses services. Après sa mort, ce sage allait devenir l'objet d'un culte. La plupart de ceux qui enseignaient l'écriture aux scribes étaient des prêtres. Comme dans d'autres grandes civilisations, en effet, la prêtrise constituait la source de la connaissance et de la science. Le soleil et les étoiles étaient porteurs de significations sacrées pour les Égyptiens. Les prêtres étudièrent l'astronomie. Ils apprirent à calculer le moment au lever et au coucher du soleil, où ses rayons frapperaient la pointe d'une pyramide, projetant l'éclair fulgurant qui portait l'exaltation à son comble lors des rituels. Ils notèrent que Sirius, la plus brillante des étoiles, se lève à l'est, juste avant le soleil, une fois par an, le 19 juillet de notre calendrier, et que cet événement annonçait l'arrivée prochaine de la crue annuelle. Le jour du lever simultané de Sirius et du soleil devient le premier jour de l'année égyptienne, divisé en 12 mois de 30 jours, plus 5 jours de fêtes commémorant les anniversaires d'Osiris, de Horus, d'Isis et même de l'infâme Seth, ainsi que celui de sa femme Nephthys. Les prêtres, malgré leurs activités savantes, n'avaient cependant pas pour fonction d'étudier la nature, mais de célébrer sa puissance miraculeuse. Le panthéon égyptien, avec ses innombrables dieux incarnés par des animaux, semblait incompréhensible aux autres peuples. « Quels sont ces monstres qu'adore l'Égypte démente ?» demandait le satiriste romain Juvénal. « Certains vénèrent le crocodile, d'autres l'ibis, qui se nourrit de serpents. Ailleurs, on voit scintiller l'effigie dorée d'un singe à grande queue. » Mais pour les premiers Égyptiens, la puissance des dieux était clairement visible dans la nature, dans le Nil lui-même, source miraculeuse de vie au milieu des espaces désertiques et dans les animaux qui l'habitaient. ceux qui paissaient dans la plaine inondable, les créatures qui nageaient dans ses eaux ou se glissaient le long des rives, les oiseaux qui volaient dans son ciel et se nourrissaient sur ses hauts fonds. Il semblait tout à fait juste que les êtres immortels s'incarnent dans ces merveilles éternelles. Qu'Horus habite un faucon, le dieu Gnome un bélier, Thoth un ibis, Bator une vache et Sobek un crocodile. Les Égyptiens n'adoraient pas la bête elle-même, mais l'esprit divin qui s'incarnait en elle, force versatile, capable de revêtir de nombreuses formes. Ainsi, la déesse Tabaret, protectrice des mers contre les forces du mal lors de l'enfantement, était représentée avec la tête d'un hippopotame, le dos et la queue d'un crocodile, les griffes d'un lion et les seins d'une femme. Les divinités prenaient des formes plus humaines à mesure que la civilisation évoluait. Horus, par exemple, portait toujours la tête d'un faucon, mais était représenté avec le corps d'un homme. Les Égyptiens voyaient également des dieux dans le firmament. Le soleil levant était le dieu Ré, qui s'embarquait sur le navire qui allait le porter jusqu'à l'horizon à l'ouest. Là, il changeait de bateau pour traverser l'au-delà, jusqu'à ce qu'il atteigne l'aube de nouveau. Même la conception qu'avaient les Égyptiens de la création se base sur un événement tangible de leur monde familier. Il arrivait, lors de crues extrêmement fortes, que le Nil submerge les grands terres trappelées d'eau de tortue, obligeant leurs habitants à se replier vers la lisière du désert. Lorsque les eaux se retiraient, ce sont ces îles brillantes qui montraient les premières leur dos arrondi. Conformément aux croyances des Égyptiens, celles-ci représentaient la montée de la terre revivifiée. C'est ainsi que, lors de la création, le tertre primitif de l'univers surgit des eaux du chaos. Les détails du mythe et jusqu'à l'identité du créateur variaient selon les endroits. Selon les époques, les prêtres de Memphis, Héliopolis, Hermopolis et Thèbes placèrent successivement dans leur ville le site de la création, mettant l'acte au crédit de la divinité locale. Mais ces rivalités étaient secondaires, au regard du fait que les Égyptiens assistaient de nouveau tous les ans au miracle de la création. De toutes les religions des premières civilisations, celle des Égyptiens était peut-être la plus bienveillante, la plus souple, la plus hospitalière. Bien que dépourvue d'un livre sacré ou d'un corpus de commandements, elle possédait un principe unificateur, ou Maat, incarné par la déesse Maat. On a proposé les mots de justice, vérité, ordre et droiture pour traduire ce concept, mais Maat exprimait plus que tout cela, puisqu'il représentait l'ordre cosmique qui émerge alors de la création. Ainsi, d'après l'un des premiers textes, le Créateur sortit du tertre primitif seulement après avoir remplacé le chaos par le Maat. En tant que dieu sur terre, le pharaon était responsable de la mise en œuvre du Maat, ainsi que l'explique le même texte. Le ciel est content et la terre se réjouit lorsqu'ils apprennent que le roi Pépi II a remplacé le désordre par le Maat. Il y avait toujours place pour un nouveau dieu dans le panthéon égyptien. Il y en eut jusqu'à 2000 à certaines époques, y compris quelques-uns d'origine étrangère. Certains, dont Osiris et Horus, étaient reconnus partout, mais la pratique prédynastique des divinités locales persista malgré tout sous les pharaons, l'influence de chacune étant plus ou moins grande suivant les avatars de la politique. Ainsi Ptah, dieu de Memphis, était adoré en tant que créateur et protecteur de la royauté par les premiers pharaons, qui firent de cette ville leur capitale. L'ascension du site appelé Héliopolis, cité du soleil par les Grecs, débuta sous la quatrième dynastie et bientôt chaque pharaon dut se proclamer fils de Ré, tout en incarnant Horus, fils d'Osiris. Plus tard, vers l'an 2000, le dieu des Thébains, autrefois obscur, prit de l'importance, un prince de Thèbes étant arrivé au pouvoir. Il s'agissait d'Amon, insaisissable dieu de l'air et de la lumière, qui prenait parfois la forme d'un bélier ou d'une oie. On finit par l'assimiler à Ré, et il en résulta la plus riche de toutes les divinités égyptiennes. Pas moins d'un dixième du pays finit par appartenir à Amon-Ré, y compris 433 jardins, 40 ateliers, 65 bourgs, 400 000 bêtes, ainsi que 80 000 personnes qui devaient faire fructifier ses biens. Ce culte très étendu, ainsi que les nombreux autres de moindre importance qui virent le jour, devait ses richesses aux largesses des pharaons, de la parenté royale et d'autres personnages opulents qui espérait s'attirer les faveurs d'un de ses dieux en entretenant ses prêtres. En tant qu'être divin, le pharaon régnait sur tous les cultes, tant et si bien que les paysans attachés aux domaines sacerdotaux étaient appelés travailleurs du roi. Mais à mesure que les dynasties se succédaient, les cultes gagnaient en puissance et en permanence, devenant relativement indépendants du caprice des pharaons. Conscients de ce fait, certains rois créèrent des institutions pieuses qui leur étaient dévouées afin de s'assurer une vénération éternelle. Les devoirs sacerdotaux des prêtres faisaient d'eux des êtres à part, quoiqu'ils fussent souvent chargés de tâches séculières, comme en témoignent les réussites architecturales d'Imhotep, et ils portaient les marques visibles de leur état. Partout, des prêtres circoncis, au corps rasé, y compris les cils et les sourcils, célébraient les rites vêtus d'habits blancs ou de peau de bête. Les cérémonies étaient variables suivant les cultes, mais un rituel au moins était commun à tous. À l'approche de l'aube, un petit groupe de prêtres de haut rang faisait des ablutions purificatrices dans une piscine sacrée avant d'accomplir les rites. Ils traversaient ensuite une cour en un cortège solennel avant de pénétrer dans le temple interdit au peuple. Au premier rayon du soleil, on brisait les seaux en argile du sanctuaire, ouvrant les portes afin de faire apparaître l'effigie du dieu. Le grand prêtre entrait alors et se prosternait devant l'idole, puis, se relevant, priait à haute voix et répandait de l'encens. Il déshabillait le dieu, nettoyait la statue, lui mettait d'autres vêtements et lui offrait à manger et à boire. Ensuite seulement il repartait, scellant de nouveau les portes et effaçant les traces de ses pas ainsi que tout autre indice de sa présence. C'est le pharaon lui-même qui était chargé de l'exécution des rites les plus importants du culte. En tant que grand prêtre de tout le pays, il officiait lors des rituels complexes où était invoquée l'aide du Nil et la fécondité du sol. Lui seul pouvait nommer les prêtres en principe, mais dans la réalité, les pharaons hésitaient à s'immiscer dans les affaires du clergé. Ainsi, la charge sacerdotale tendit à devenir héréditaire, transmissible de père en fils. Une fois en place, l'héritier pouvait nommer ses subordonnés, ce qui finit par produire une lourde hiérarchie cléricale. Au sommet se trouvait le haut clergé, les grands prêtres et quelques autres privilégiés admis dans le sanctuaire des temples. Le niveau suivant était composé de spécialistes divers, astrologues, scribes, lecteurs de textes sacrés, chanteurs et musiciens. Jouer de la musique pour les dieux était une des rares fonctions sacerdotales ouvertes aux femmes. Le bas clergé, porteur de brûleurs d'encens ou interprète de rêves, entre autres, formait le dernier niveau. Seul le haut clergé se consacrait complètement au culte. Les spécialistes et le bas clergé ne vivaient dans l'enceinte du temple qu'un mois sur quatre. Durant cette période, ils menaient une existence d'ascète, faisant des ablutions fréquentes et observant l'abstinence sexuelle. Puis ils retournaient à la vie laïque pour les trois mois suivants. Au cœur de la religion égyptienne, sous les multiples strates de culte et d'officiants qui l'enveloppent, demeure un noyau permanent de croyances concernant la vie éternelle. Le pharaon, lui, attendait le jour où il prendrait la place qui lui revenait parmi les dieux. Une inscription sur un tombeau royal explique que Pépi monte au ciel dans le bateau de Ré. Afin de conduire le pharaon lors de son voyage céleste, un grand bateau funéraire était placé près de sa sépulture. Quant au commun des mortels, il escomptait bien vivre éternellement dans un royaume réservé au peuple, mais dépourvu de toutes les malédictions terrestres telles que la sécheresse, les maladies, les famines et les guerres, et généralement situé quelque part sous l'horizon au couchant. Les Égyptiens ne concevaient pas la vie dans l'au-delà comme la survie d'une âme unique et homogène, mais plutôt comme un processus complexe dans lequel entrent les diverses forces spirituelles qui font partie de l'individu. La plus aérienne de celles-ci, l'âme ou esprit transfiguré, quitte le corps après la mort, pensait-on, pour tourner éternellement dans le firmament en tant qu'étoile polaire. Une autre composante moins éthérée du défunt, son ba, dont la traduction par âme est inadéquate, figuré par un oiseau à tête d'homme, pouvait s'envoler librement mais retournait toujours au corps du mort, son nid pour l'éternité. Un troisième élément, appelé ka, était lié encore plus étroitement au corps en tant que force vitale qui permettait aux défunts de vaquer à des tâches telles que semer et récolter le grain, aussi indispensable dans l'au-delà que sur terre. C'est le cas qui recevait les offrandes destinées à sustenter les morts, ainsi qu'en témoigne cette inscription funéraire typique, 1000 pains et pots de bière, ainsi que toute chose bonne et pure pour le cas du défunt. On déployait une ingéniosité remarquable à prendre soin des besoins corporels des trépassés. La conception égyptienne de l'immortalité, comme celle de la vie terrestre des dieux du reste, alliait le matériel et le spirituel, le réel et le symbolique, avec beaucoup d'imagination. Se sachant dans l'impossibilité de nourrir les morts pour toute l'éternité, on leur laissait des faux à proximité, ou bien on ornait les murs du tombeau de scènes de moissons. Prévoyant que les riches propriétaires ne pourraient pas se débrouiller tout seuls dans la vie d'outre-tombe, on leur donnait des figurines, appelées Ouchbéti, ou répondants, qui entendraient l'appel du défunt et moissonneraient son grain. Et comme on avait conscience que même les préparatifs les plus minutieux ne pourraient garantir le cadavre de la décomposition ni la tombe de la profanation, on investissait une statue du défunt placée intentionnellement dans une chambre à part du pouvoir d'assumer les fonctions vitales de celui-ci s'il le fallait. Les morts demeuraient très présents. La famille sollicitait fréquemment leur intervention dans les affaires terrestres. Dans une lettre déposée dans la tombe d'une femme par des parents, ceux-ci lui demandent de résoudre un conflit entre ses deux fils, l'un vivant, l'autre mort. Dans une autre missive, un veuf malheureux s'adresse à sa femme décédée. « Que t'ai-je fait pour tomber dans le triste état où je suis ? Pourquoi t'obstines-tu à me plonger dans le malheur alors que je ne t'ai jamais délaissé ?» Pour le meilleur ou pour le pire, les Égyptiens portaient l'héritage du passé incarné par l'esprit des morts. Quoi de plus naturel, alors que les symboles durables de leur culture étaient les demeures érigées pour les morts, ces énormes édifices devaient incarner la puissance des royaumes égyptiens successifs longtemps après que les villes aient été ensevelies sous les dunes de sable. Le plus étonnant de ces amoncellements de pierres se trouvait à Gizeh, sur la rive ouest du Nil à une trentaine de kilomètres au nord du palais de Memphis. Commandé vers l'an 2575 et destiné à la sépulture de Khoufou, pharaon de la quatrième dynastie connue sous le nom grec de Khéops, cette construction monumentale draina une part importante des ressources du royaume durant une grande partie du règne, 23 ans, de ce souverain. Elle allait devenir non pas le prodige de Khoufou, mais celui du monde entier, une merveille d'une telle évidence qu'on l'appela simplement la Grande Pyramide. Son plan était d'une précision géométrique. À la base, un carré presque parfait de 230 mètres de côté à 20 cm près. Des murs inclinés à un angle de 51 degrés, la pointe culminant à quelques 150 mètres au-dessus du désert. L'édifice comptait environ 2,3 millions de quartiers de pierre, d'un poids moyen de 2 tonnes et demie, mais dont un certain nombre atteignait les 15 tonnes. Les énormes blocs de calcaire du revêtement avaient été si parfaitement taillés que les joints n'admettaient pas le passage d'une lame de couteau. Les dimensions de la pyramide surpassaient les ouvrages les plus magistraux des civilisations ultérieures, technologiquement plus avancées. Selon une estimation, les cathédrales de Florence et de Milan, Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres tiendraient à l'aise sur le terrain qu'elle occupe. À côté de ce monument, sur le plateau de Gizeh, Khafre, fils de Khoufou, connu sous le nom grec de Khéphren, fit construire sa propre pyramide, près de laquelle surgit la tête méditative du sphinx, idole énigmatique en pierre, long de 73 mètres depuis sa croupe jusqu'à ses patamans, et dont le corps de lion est surmonté de la tête de Khafre lui-même. Sculpté dans un mamelon rocheux par les tailleurs de pierre de Khoufou, le sphinx, originaire d'Égypte, représente un animal mythique vénéré en tant que gardien des lieux sacrés. Le coût des nécropoles de Khoufou et de Khafre était exorbitant, tant sur le plan humain que matériel. À l'aide de burins en cuivre et de marteaux en dolérite, les tailleurs de pierre travaillèrent à longueur d'année, pendant plus de 20 ans, à façonner les gigantesques blocs de pierre exigés par le monument de Khoufou. Et pendant la même période, 4000 paysans réquisitionnés passèrent les 3 mois de la crue du Nil, durant lesquels ils auraient sinon chômé, à transporter ces énormes quartiers, à force de bras, sans le moindre treuil, depuis les carrières de Toura et d'Assouan jusqu'au fleuve, puis sur des chalands jusqu'à Gizeh. Là, on avait probablement construit de larges rampes inclinées en terre menant en haut des murs de la pyramide. De l'eau versée sur la partie médiane de ces rampes produisait une boue glissante qui aidait efficacement les ouvriers, munis de cordes en fibre de palmier et campés sur les épaulements secs, à hisser les blocs jusqu'à leur emplacement définitif. Ces projets monumentaux mettaient l'autorité royale à l'épreuve. Il se peut que le prix de la réquisition d'équipes d'ouvriers et de leur entretien des années durant ait été excessif, aussi bien politiquement qu'économiquement, puisque le successeur de Khafre, Menkaure, appelée Mekinéros par les Grecs, se fit construire une tombe de dimensions plus modestes, la dernière des trois pyramides de Gizeh, dont la taille atteignit à peine le tiers de celle de ses voisines. Par contre, l'image que la légende égyptienne conservant de Menkaure est celle d'un homme bon et pieux, tandis que Khufu et Khafre allaient être représentés comme des tyrans. La tendance à la modération se poursuivit sous le roi Chepsekhaf, qui choisit d'édifier un mastaba plutôt qu'une pyramide pour sa sépulture. Peut-être ce choix s'inscrivait-il dans ses efforts pour miner le culte de Ré, le dieu solaire identifié à la pyramide. Si tel était son objectif, il échoua de toute évidence. Son court règne fut suivi, vers l'an 2475, par la mise en place à Héliopolis d'une nouvelle lignée royale tout à fait fidèle à Ré. Avec la cinquième dynastie, la forme pyramidale reprit ses droits, bien que sous des dimensions plus réduites. Plus frappant à l'époque seront les temples dédiés à Ré. Un autel y était exposé au soleil dans une cour centrale, tandis qu'une pièce fermée, appelée chambre des saisons, contenait des représentations du cycle cultural rendu possible par les rayons envoyés par le dieu prodigue. Dominant la cour, un obélisque se dresse, trapu à la base, mais se terminant par une pointe acérée rappelant l'échappée du soleil des pyramides. Tout en s'occupant de ses projets d'ordre religieux, les pharaons ne négligeaient pas les affaires de ce monde. Comme leurs prédécesseurs, les rois des 5e et 6e dynasties envoyèrent d'importantes expéditions commerciales à l'étranger. Mais alors qu'une classe de marchands prit rapidement le contrôle du négoce en Mésopotamie, l'Égypte ne connut pas le mot marchand avant que le 2e millénaire ne soit déjà bien entamé. En effet, le commerce international était entièrement entre les mains du pharaon, qui commanditait de royales expéditions dans l'espoir d'en retirer des profits royaux. L'un des produits d'importation les plus recherchés par les agents du roi était le bois d'œuvre devant servir aux poutres et aux meubles des villas des classes riches. Depuis les débuts du royaume, il était l'objet d'un trafic florissant avec l'antique ville commerçante de Byblos, située sur la côte du Liban, près de montagnes couvertes de cèdres. Les premiers troncs durent arriver en Égypte sur des navires étrangers. Les Égyptiens ne possédant pas le bois nécessaire à la construction de vaisseaux maritimes. Bien qu'ils figurent parmi les premiers et les meilleurs marins du monde, grâce à la navigation sur le grand fleuve, les Égyptiens ne semblent pas s'être embarqués sur la mer avant la 4e dynastie. C'est alors que le roi Snéfrou commanda la construction d'au moins 60 navires marchands, et bientôt des flottilles voguaient vers Byblos. Un scribe de l'époque enregistra l'arrivée de 40 navires chargés de troncs de cèdre. C'est en Nubie, plus au sud, que l'on cherchait de l'or, de l'ivoire, de l'ébène et des peaux d'animaux. Quelques-unes des expéditions les plus rentables partirent de la région d'Assouan. Des caravanes pénétraient jusqu'au cœur de l'Afrique sur l'ordre du souverain. L'une de ces incursions était menée par un noble d'Assouan, Arcuf, du temps de Pépi II, dernier pharaon de la 6e dynastie. Le voyage ayant été mené à bonne fin, Arcuf écrivit au roi pour l'informer des grands et beaux cadeaux qu'il ramenait pour le pharaon, et notamment un nain d'encens du pays des esprits. Ravi de cette nouvelle, Pépi II envoya un messager portant ses instructions. « Viens immédiatement vers le nord, amène avec toi le nain que tu rapportes vivant, prospère et bien portant du pays des esprits, pour les danses du dieu et pour l'agrément du roi immortel de la haute et de la basse Égypte. Quand il montera avec toi dans le bateau, mets des hommes de confiance à ses côtés de peur qu'il tombe à l'eau, et la nuit, fais que des hommes sûrs dorment avec lui dans sa tente et inspectent tout ce monde 10 fois par nuit, car ma majesté désire voir ce nain plus encore que les trésors du Sinaï et de Punt. » L'auteur de cette curieuse lettre devait présider à la fin d'une époque de l'histoire égyptienne. Monté tout jeune sur le trône vers 2250 avant J.C., Pépi II régna plus de 90 ans, selon les archives de la cour. Une longévité aussi remarquable eût dû lui fournir de quoi remplir amplement ses annales, mais il lui fallut en outre se targuer des exploits de ses prédécesseurs. Sur un des murs de son temple, il fit inscrire les noms des chefs libyens capturés par les forces du pharaon, liste recopiée de la tombe du roi Saûr de la 5e dynastie, au pouvoir quelque 200 ans plus tôt. Le long règne de Pépi II et sa déconfiture grandissante on peut être épuisé les ressources de la cour. Sa pyramide massive était digne d'un souverain, mais les tombes des membres de la cour, tout autour, étaient de pauvres constructions de briques crues, suggérant que la suite royale avait connu des tribulations. La richesse et la puissance des nomarques s'étaient fortement accrues, par contre. Alors que les gouvernements de province étaient nommés autrefois par le pharaon, la charge était devenue une grande partie héréditaire et ses titulaires bien moins dociles. Une certaine arrogance, impensable autrefois, s'insinua dans leurs relations avec le pharaon, comme le laisse bien apparaître cette citation d'un nomarque à Hierakonpolis. « Je réclamais au roi Pépi II l'honneur d'obtenir un sarcophage, des bandelettes funéraires et des huiles pour mon père. » La mort de Pépi II marqua la fin d'une époque, appelée ultérieurement l'Ancien Empire. Le pays connut une période de troubles. Peut-être a-t-il souffert de l'altération d'un facteur climatique longtemps favorable. Il semble en effet qu'il y eut un ralentissement des pluies de mousson dans les montagnes d'Éthiopie, se traduisant par une série de faibles crues en Égypte. Les récoltes firent défaut et des foules de vagabonds affamés pillèrent les campagnes. Un récit au moins fait état de cannibalisme. La faillite de l'agriculture eut des effets catastrophiques sur l'autorité des successeurs de Pépi, censés, en tant que dieux, obtenir les bienfaits du fleuve, du soleil et du sol. Pas moins de 20 souverains occupèrent le trône d'Égypte en 20 ans, inaugurant une ère de lutte féodale qui devait durer 100 ans. Cette période épouvantable allait entrer dans la légende. Longtemps après, elle inspirait encore d'innombrables contes édifiants. Un de ces récits, écrit des siècles plus tard, sous le titre « Exhortation d'un sage », présente un tableau sinistre de la désagrégation sociale. La populace est en liesse, et dans toutes les villes s'élèvent des cris « En avant, chassons les nobles ». Il y a des émeutiers partout. Le laboureur emporte son bouclier au champ. Tout est sale. Le linge propre n'existe plus de nos jours. On jette les morts dans le fleuve. Les gens abandonnent la ville pour vivre sous la tente. On incendie des bâtiments. Si le palais est encore debout, le pharaon est prisonnier de la foule. Les dames de la noblesse écrient « Si seulement nous avions de quoi manger !» Elles sont gênées lorsqu'on les salue. Elles sont obligées de prostituer leurs filles. Elles en sont réduites à coucher avec des misérables qui n'auraient pu trouver femme autrefois. Comme on pouvait s'y attendre dans ces conditions, on ne gouvernait plus que par la force brute. Les nomarques, qui régnaient en seigneurs féodaux sur leur propre territoire, se battaient fréquemment entre eux ou bien formaient de fragiles alliances afin de combattre d'autres regroupements éphémères. Mais le royaume d'autrefois serein des morts connaissait le conflit. On enterra un nomarque accompagné de statuettes en bois, représentant des lanciers et des archers, qui devaient sans doute lui rendre les mêmes services dans la vie d'autres tombes que sur terre. Une lignée puissante de nomarques gouverna l'Égypte durant une grande partie de cette période. Sa capitale, Héracléopolis, était située à environ 90 km au sud de Memphis. C'est un certain Actoès qui, le premier, prétendit au titre de pharaon, lui qui, d'après un texte plus tardif, usa d'une grande cruauté et fit le malheur de l'Égypte. Le pouvoir de ses successeurs, les rois des 9e et 10e dynasties, était constamment défié, notamment par une vieille famille belliqueuse et habile demeurant à Thèbes, ville très en amont et suffisamment éloignée du siège de l'ancien empire. Aux environs de 2065, au bout d'un siècle de lutte, les Thébains, sous Mentouhotep II, s'avancèrent jusqu'à Héracléopolis et prirent la ville. Bien qu'ayant réussi à reconstituer l'unité nationale, les Thébains ne régénèrent que le temps de 3 générations. Le dernier de ses souverains céda sa place à son propre vizir, Aménémès, dans des circonstances mal éclaircies, peut-être la suite d'un coup d'État. Une fois au pouvoir, Aménémès prit ses distances à l'égard des Thébains. Il établit sa capitale près de Memphis, dans l'espoir de se parer de la majesté des premiers pharaons, mais en fut empêché par des nomarques intraitables dont certains possédaient encore une armée et une flotte. Finalement, le roi assiégé fut tué par des conspirateurs appartenant à sa propre cour. Son fils, Sésostris, nommé co-régent quelques années auparavant, partit guerroyer, rentra précipitamment et fit valoir ses droits au trône. Sésostris Ier et ses héritiers de la 12e dynastie surent tirer les leçons du passé. Prudemment, patiemment, ils réduisirent le pouvoir déclinant des nomarques. Il leur fallut environ 150 ans pour pour venir à bout des gouverneurs provinciaux, mais ceux-ci n'exerçaient plus à la fin qu'un pouvoir nominal. Les rois de la 12e dynastie savaient construire des bâtiments cultuels somptueux, comme en témoignent les magnifiques temples dédiés à Amon, passés alors du rang subalterne de divinité locale thébaine à celui de Dieu suprême. Pourtant, les nécropoles de ces mêmes pharaons évitaient soigneusement les excès de l'ancien empire. Les pyramides étaient sommairement construites avec à l'intérieur de la brique crue et des parements soubrevolés aux pyramides de leurs prédécesseurs. Mais surtout, les souverains de la 12e dynastie savaient bien ce qui se passerait si la crue venait à manquer pendant plusieurs années consécutives, et ils n'eurent de cesse de conserver cette eau vitale. Sésostris II lança un programme ambitieux d'irrigation de la région fertile de Fayoum au sud-ouest de Memphis, terminé sous Amémenès III. L'ensemble comprenait un canal large de plus de 90 mètres reliant le Nil à une dépression naturelle d'une superficie de 1735 km². L'écoulement de l'eau était contrôlé par un barrage muni de vannes. Lors des inondations, on ouvrait celle-ci et le bassin se remplissait. Les eaux de ce réservoir devaient contribuer à l'irrigation du Fayoum au cours des mois de sécheresse qui s'ensuivaient. C'est avec la même énergie que les pharaons de cette époque se consacrèrent au commerce avec l'étranger. Parmi leurs expéditions commerciales les plus ambitieuses figurait notamment celle en direction d'un royaume appelé Punt par les scribes, situé sur la côte orientale de l'Afrique près de l'actuelle Somalie. Les caravanes atteignaient Punt, source d'oliban, de myrrhe et d'autres essences odorantes employées par les Égyptiens au cours de leur rituel, au bout de 8 jours de marche depuis Coptos, sur le haut Nil, à travers le désert ardent de l'Est, jusqu'à la mer Rouge. Pire encore, les conscrits affectés à ce travail devaient transporter en pièces détachées le navire sur lequel ils allaient longer la côte africaine en direction du sud. Le chef d'une de ces missions décrivit ce supplice, employant le langage prosaïque habituel aux rapports de fonctionnaires égyptiens. « Monseigneur me commanda d'envoyer un navire à Punt afin de ramener de la mer fraîche. » Je partis avec une armée de 3 000 hommes. Chacun recevait une gourde en cuir, 2 pots d'eau et 20 morceaux de pain par jour. J'atteignis alors la mer Rouge, fis construire le bateau et l'expédiai. Un autre objectif commercial était situé sur le Nil, plus au sud. Les rois de la 12e dynastie envahirent la Nubie, repoussant ainsi la frontière de leur pays jusqu'à la 3e cataracte, environ 720 km au-delà d'Assouan, ce qui leur assura le contrôle d'une région riche en or. Les envahisseurs consolidèrent leur position par une énorme forteresse construite à Bouen. Une statue monumentale de Sésostris III fut érigée près du Nil, à Semneh, tout proche, afin d'inviter à la soumission tous ceux qui la verraient. Abandonnant la convention séculaire qui voulait que l'on représente le pharaon avec un visage impassible, les sculpteurs donnèrent à Sésostris un regard soucieux, les paupières lourdes et la bouche serrée, comme pour montrer à tous, amis et ennemis, combien cet homme prenait à cœur sa mission impériale. Pendant ce temps, les vaisseaux qui naviguaient en Méditerranée rapportaient des richesses acquises par des moyens plus pacifiques. Les échanges avec Byblos et les autres centres commerçants de Palestine s'accrurent, tandis que de nouvelles routes s'ouvraient vers la crête minoenne, alors opulente. Ainsi, les Égyptiens se procuraient régulièrement les denrées prisées, tels que le bois d'œuvre et l'huile d'olive, en échange de leurs excédents de lin, papyrus, poissons salés, cuir de bœuf, albâtre et or. Puis, alors que l'Égypte semblait en plein épanouissement, le déclin commença. La 12e dynastie paraissait éteinte, tout simplement, car le règne d'Amenemès IV fut suivi, vers 1785, de celui d'une obscure reine, Néfrusovec, dernière de la lignée. Au cours des 150 années suivantes, période d'hostilité renouvelée entre la Haute et la Basse Égypte, il y eut environ 70 pharaons. C'est peut-être le Nil qui, une fois de plus, a miné le prestige du pharaon, mais par des crues excessives à présent. Avec l'affaiblissement de l'autorité centrale, l'Égypte n'était plus en état d'affronter une agression étrangère. Or, c'est précisément ce qui se préparait au Proche-Orient, et ce pays troublé allait bientôt connaître l'invasion. Tout au long des siècles, les Égyptiens étaient toujours parvenus à tenir en respect les tribus guerrières qui les entouraient, les redoutables Nubiens au sud, les Bédouins du désert de l'est et les Libyens à l'ouest. Souvent d'ailleurs, ils surent utiliser l'agressivité de leurs adversaires à leur avantage en obligeant les prisonniers à servir dans l'armée du pharaon. La technologie guerrière du pays ne s'améliora pas pour autant. Alors que les soldats mésopotamiens portaient depuis des siècles des casques et des armures, ainsi que de robustes haches et des arcs faits de lamelles de bois assemblées, dont la force et la souplesse permettaient de tirer plus loin, les armées égyptiennes étaient encore munies de javelots et d'arcs simples. Les soldats presque nus n'avaient pour toute protection que leur encombrant bouclier aussi grand qu'eux. L'incursion qui mit à nu la vulnérabilité des Égyptiens était un rameau d'un vaste mouvement migratoire qui débuta aux environs de l'an 1800 et amena des tribus guerrières des steppes de l'Asie jusqu'au Moyen-Orient. L'Égypte n'en souffrit pas trop au départ. La population du delta s'accrut d'exilés venant de Palestine et de plus loin encore. Parmi les nouveaux arrivants figuraient d'anciens esclaves qui avaient été asservis de force et vendus, ou bien s'étaient asservis volontairement pour des raisons économiques. Ce n'est que plus tard, vers 1550, que les guerriers asiatiques, appelés Hyksos, chefs de pays étrangers, par les Égyptiens, déferlèrent sur le delta. Vêtus d'armure et brandissant cimeter et arc, ils livraient bataille sur des véhicules inconnus en Égypte, des chars à deux roues qui laissaient impuissants les fantassins. Débordés, les troupes du pharaon opposèrent peu de résistance. « J'ignore pourquoi Dieu s'est fâché contre nous », écrivait plus tard un prêtre. Subitement, des hommes de race inconnue sont venus des régions de l'Est. Sûrs de vaincre, ils ont attaqué notre pays. Ils l'ont pris de force, facilement, sans une seule bataille. Les Hyksos ne tenaient pas à occuper la haute Égypte. Étant en sécurité dans le bastion constitué par le delta, ils se contentaient d'exiger des tribus des familles royales. Par ces exactions, les rois Hyksos préparaient cependant leur propre ruine. Sentant durant, le ressentiment grandit, jusqu'à ce que Thèbes se soulève de nouveau et refuse leurs exigences. Un prince de cette ville, à la tête d'une armée revivifiée, écrasa les Hyksos et créa un nouvel empire qui imposerait sa grandeur par la force. À suivre, le monde Égéen.